Vendredi 21 avril, bienvenue à l'émission Les Différents sur les ondes de CKRL au 89.1. Mélanie Florent avec vous jusqu'à 10h. Ça peut nous arriver à tout le monde. Une coupe de coups durs en ligne, ça peut être une perte d'emploi, un deuil, une séparation, la dépression même. On en parle une couple de fois, on en a parlé quelques fois dans l'émission comme sujet, mais tout ça peut faire qu'un jour on se retrouve à la rue ou dans une situation précaire. Mais pourquoi autant de préjugés autour des personnes qui vivent l'itinérance? Puis, pour quelles raisons la plupart des gens sont incapables aussi de les regarder? Ce matin, je reçois Magali Parent, organisatrice du regroupement d'aide des itinérants et itinérantes du Québec, le RAIC. Bonjour, Magali. Allô. Bonjour. Le regroupement, rapidement, qu'est-ce que c'est? Vous regroupez, vous aidez les organismes? Le RAIC, donc, c'est le regroupement de 36 organismes communautaires de la ville de Québec qui viennent en aide de près ou de loin avec des personnes en situation d'itinérance ou à risque de. Donc, des personnes qui ont vécu certaines difficultés qui peuvent avoir vulnérabilisé leur stabilité résidentielle. Parce que être en situation d'itinérance, c'est pas seulement dormir sur un parc, sur un banc de parc, c'est être sans domicile fixe. Donc, ça va toucher beaucoup plus de gens qu'on peut penser. On va en parler un petit peu plus tard. Je reçois aussi Maude Santerre, intervenante, et Joannie, qui est part aidante au Projet Lune. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Le Projet Lune, qu'est-ce que c'est exactement, Magali? Ou peut-être... pas Magali, Maude. Bon, ça y est, c'est parti. Maude ou Joannie? Ben, le Projet Lune, dans le fond, on est un groupe par et pour les travailleuses du sexe de Québec. On existe depuis 2012 comme organisme communautaire indépendant. Puis depuis 2014, on a un hébergement d'urgence pour femmes au centre-ville ici à Saint-Roch. OK. Joannie, père aidante, c'est pas intervenante, qu'est-ce que c'est? En fait, père aidante, c'est surtout des femmes qui ont déjà vécu ou qui sont encore dans le domaine de la prostitution. Mm-hmm. Donc, en fait, on s'appelle un peu experte de vécu. OK. Donc, dans le fond, vous comprenez les autres femmes que vous rencontrez, là. Oui, exactement. Merci. On vient de dire, Magali, comme quoi qu'on serait plus surpris que ce qu'on pense. Qu'est-ce que c'est que le terme itinérance? Est-ce que vous pouvez me décrire qu'est-ce que c'est votre définition à vous de l'itinérance? En fait, la définition de l'itinérance, c'est drôle parce que justement, le gouvernement du Québec a sorti en 2014 une politique de lutte à l'itinérance, puis c'était la première fois qu'au Québec, on écrivait noir sur blanc, qu'on reconnaissait collectivement que l'itinérance, ce n'est pas juste une question de ne pas avoir de toit sur la tête. Donc, la situation est beaucoup plus complexe que ça. Les enjeux sont au niveau aussi de l'accès aux revenus, de l'accès aux soins de santé, des services sociaux, le fait d'avoir un faible ou peu de réseau social, d'avoir des difficultés au niveau de la santé physique, santé mentale. Donc, on parle souvent de portraits beaucoup plus complexes que seulement la situation résidentielle. Et le fait que ce n'est pas seulement qu'une question de responsabilité individuelle. Donc, ça s'inscrit dans une structure, dans un contexte social qui fait en sorte que certaines personnes vont vivre des situations d'inégalité sociale autant au niveau de la santé que par rapport à un paquet d'autres facteurs ou déterminants sociaux. Donc, ça, on est un peu plus dans le théorique avec les éléments que j'apporte, mais ça nous permet de prendre un peu de recul sur la notion de pitié qu'on peut avoir par rapport à une personne qui va vivre une situation d'instabilité résidentielle. Je pense que ce qui est aussi important dans entendre ce matin, c'est que la fameuse image que les gens peuvent avoir en tête, souvent, on va penser peut-être à un homme plus âgé, avec de la barbe, les cheveux longs, qui a pas l'air très propre, qui a pas l'air très à jeun. Ben, ce profil-là, oui, il y a des gens qu'on rencontre qui ont ce profil-là. Parfois, les gens qu'on va croiser dans la rue qui ont ce profil-là ne sont pas en situation d'itinérance, ont un profil marginal, mais ne vivent pas nécessairement d'instabilité résidentielle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on est ailleurs, et ça depuis plusieurs années. Donc, on parle de jeunes, c'est près de 30% à des gens dans la région de Québec. Si on regarde les statistiques des organismes, ont en bas de 30 ans, là. et qui sont en situation d'itinérance, et on voit aussi un vieillissement de la population dans toutes les strates de la société, si on peut le dire comme ben ça. Oui. Mais dans nos organismes aussi, on va voir de plus en plus de personnes de 55 ans et plus, mais qui pour certains vont vivre aussi une situation de perte d'autonomie par rapport au vieillissement, mais qui peuvent aussi se retrouver dans la rue. Donc au niveau du, quand on parle du visage ou du profil de personnes, c'est très diversifié. Maud, toi de ton côté, avec le projet Lune, le portrait que tu envoies puis que tu en fais de l'itinérance? Bien, les femmes qu'on reçoit, nous autres, au projet Lune, c'est en fait, nos seuls critères, hein, c'est d'avoir 18 ans et plus, puis de s'identifier comme une femme. Fait que on a vraiment des femmes qui viennent de tous les milieux, là, exactement comme Magali disait. Ah, ça, oui. Ça peut être des femmes qui ont besoin une fois, ça va être ponctuel, parce qu'il y a une chicane de coloc, c'est difficile, une fin de mois plus difficile, t'arrives au début du mois, t'as des dettes, tu payes tes dettes, tu perds ta chambre. Vivre en maison de chambre, vivre dans des lieux qui sont partagés, qui sont chargés de monde, d'émotions, des fois de consommation, ben ça peut amener des fois à avoir besoin de moments de répit à travers tout ça, puis les gens viennent au projet Lune, je dirais, pour ça. On a vraiment effectivement des femmes, il y a des femmes qui sont jeunes, début vingtaine qui viennent, on a des femmes qui sont à mobilité plus réduite, qui sont plus âgées, on a vraiment des femmes qui viennent de tous les milieux, toutes c'est les ça, classes sociales. Des filles, même des filles puis des femmes qui travaillent aussi. Tout à fait. Parce que des fois, ça peut être, on le sait, les femmes ont souvent un salaire plus bas que les hommes. Fait que j'imagine, là aussi, t'envoies là, des salaires minimums ou pas loin du salaire minimum, là, puis que ça, on n'est pas capable de payer un loyer dans ce temps-là. Exactement. T'sais, des gens qui payent 80% de leur revenu. Leur revenu, tu sais, pour mais leur oui. loyer, ça n'a pas de bon sens. Je comprends qu'à un moment donné, ces personnes-là se disent, bon, mais là, faut que j'investisse dans mes moyens de transport pour me rendre à mon travail. Il faut que je puisse manger au travail pour être concentrée. Fait que, mais qu'ils vont décider de, pendant un certain temps, plus avoir de chambre, tu sais. Au printemps, comme ça, c'est une période de transitoire, vraiment. Nous autres, il y a des femmes, ces temps-ci, beaucoup. Ils viennent parce qu'ils viennent de passer des fois des hivers à vivre des situations de violence, à être inconfortable dans leur loyer. Elles sont pas à l'aise là. Puis enfin, là, ils commencent à faire plus beau. Ils se disent, bon, je sors de chez nous, je m'en vais, tu sais. J'en ai pas de chez moi, dans le fond, tu sais. Tout l'hiver, mais là, tu te dis, bon, il fait moins 20, ça a pas de bon sens. Mais quand tu commences à faire un petit peu plus beau, hein, mais quand même, quand tu te ramasses à devoir faire des compromis, là, OK, ça peut marcher pendant un temps. Des fois, t'as des amis, t'héberges, un membre de la famille. Mais des fois aussi, ça s'épuise, ces réseaux-là. Puis tout le monde n'a pas les réseaux aussi amples non plus. Fait que, ben non. Ça peut s'épuiser assez vite, hein. Autre chose aussi qui peut être intéressant de réfléchir à, c'est que souvent on va penser qu'une personne qui vit une situation d'itinérance ou de sans domicile fixe, ou peu importe comment on va le nommer, va le vivre sur une longue période, voire presque même à vie. La majorité des personnes qui passent par une situation d'itinérance la vivent de façon situationnelle, ponctuelle. Donc c'est un moment dans leur vie où disons que la précarité ou la désaffiliation ou la difficulté qu'on relie entre autres à l'instabilité résidentielle est beaucoup plus présente, mais la grande majorité des gens vont se restabiliser à ce niveau-là. Évidemment, ça ne veut pas dire que toutes les difficultés sont réglées ou rentrent dans l'ordre au même moment, mais du moins, quand une personne réussit à se restabiliser au niveau du logement ou d'un chez-soi, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher le calme pour aller chercher de l'aide ou l'amélioration à d'autres points de vue. Donc, souvent, les personnes qu'on va avoir en tête qui vivent un paquet de difficultés en même temps, qui ont fait beaucoup d'inénantes dans la rue, dans des refuges, ou encore dans des maisons de chambre, comme le monde le nommait, ou en squattant à gauche et à droite chez des connaissances ou des personnes rencontrées sur la rue, on parle d'à peu près autour de 15%, là, selon les statistiques et les organismes avec lesquels on travaille, que ce soit à Québec ou à Montréal, qui vont vivre une situation qu'on va appeler davantage chronique, où là, beaucoup plus de mesures ou de services doivent être mis en place pour accompagner les personnes qui le souhaitent, qui veulent amener un changement dans leur vie à ce niveau-là. Fait que déjà là, ça amène une autre perspective, tu sais. Ouais. Oui, être en situation d'itinérance, ça amène beaucoup d'anxiété. Des fois, c'est beaucoup d'efforts ou d'éléments à remettre dans sa vie pour améliorer les choses, mais c'est possible aussi de s'en sortir et de restabiliser les choses grâce aux services qui sont en place. Puis c'est le travail que font au quotidien les organismes qui sont membres du RAIC. Bien, parlons-en justement. Comment vous aidez ces personnes-là? Est-ce que vous allez vers eux? Est-ce qu'eux vont vers vous? Comment ça fonctionne? Mais je te dirais, l'exemple du projet Lune est intéressant pour ça. Tu sais, nous autres, depuis 2007, il y a des femmes de la ville de Québec qui se mobilisent et qui disent, bon, mais nous autres, on se sent pas les bienvenus dans les autres ressources qui sont en place parce qu'on fait le travail du sexe, des fois parce qu'on consomme des drogues, parce que des heures de rentrée à 8h30, ben, ça nous convient pas le soir, tu sais, pour toutes sortes de raisons. Fait qu'ils se sont mobilisés, puis on a ouvert un hébergement avec des intervenantes par aidantes. Puis des intervenantes, fait que nous autres, on était déjà dans la communauté, déjà auprès de ces personnes-là qui avaient peut-être des moments d'instabilité. Fait que le fait que ce soit des pères aussi qui accueillent les femmes qui viennent à l'hébergement, ben ça l'amène vraiment un sentiment familial. Dans le fond, c'est la rue qui t'accueille parce que c'est, ben oui, c'est la fille, les filles de la rue qui sont là, tu sais. Ça l'aide, je pense, le premier contact, parce que ça peut être, quand c'est une première demande d'aide que tu as à faire, aller dans un hébergement, ça peut prendre plusieurs nuits à rôder autour de la porte, puis finalement, retourner dans ton plan B que tu avais prévu peut-être. Malheureusement, nous autres, pour des questions financières, on ouvre juste à 10 heures le soir, mais il y a de la place à l'hébergement, mais jusqu'à 10 heures, tu fais quoi, tu sais? Fait que, on le sait que ça peut être un challenge un peu, mais les femmes entre elles, ils s'entraident beaucoup aussi. Il y a beaucoup de, c'est beaucoup elles qui font le recrutement. C'est pas le bon mot, mais. L'accueil, mais tu sais, ouais, les femmes qui sont hébergées, tu sais, ils savent, ah, bon, moi, je m'en vais au sol de l'église, tout ouvert jusqu'à 9 heures. Puis là, je vois, ah, oh, je l'ai jamais vue, elle. Je m'en vais m'asseoir à côté, on jase un petit peu. Mais moi, je m'en vais dormir contact, là, c'est ça. Fait que tu viens-tu avec moi, tu sais. C'est beaucoup le bouche-à-oreille. C'est comme ça qu'on a beaucoup de références. Ben, le rôle des pères aidantes, comme Joanie, c'est pas rien, là. C'est vraiment des accueillir, d'aller. Est-ce que tu vas vers elle? Est-ce que tu vas vers ces filles-là? Ben, moi, c'est sûr que, pour préciser, je travaille pas à l'hébergement. OK. Fait, moi, je suis plus sur. On appelle le comité de travail, mais pour côtoyer, j'ai côtoyé pendant longtemps les filles qui sont rendues à l'hébergement, j'en côtoie encore d'ailleurs. Habituellement, c'est, je dirais que c'est comme une force de rayonnement qu'on fait, vu qu'on est de plus en plus vu dans les médias, on a des activités aussi plusieurs fois par année. Fait que je pense que c'est vraiment par ça qu'on se fait connaître, puis je pense que les personnes les mieux placées, justement, c'est les femmes qui viennent nous voir. C'est eux autres qui vont justement voir les femmes que nous, on n'arrive pas nécessairement à rejoindre parce que, je sais pas, là, ils écoutent pour la télé ou ils lisent pour les journaux ou peu importe. Mais eux autres sont capables d'aller chercher les femmes qui restent. Fait que je pense que c'est vraiment grâce à eux qu'on peut faire ça. J'imagine tes rencontres quand même, tes voix de temps en temps, ces filles-là puis ces femmes-là qui sont aidées. Qu'est-ce que tu entends le plus? Est-ce que tu as l'impression, premièrement, qu'ils vont plus se confier à toi quand ils vont te parler ou pas? Ou... Ben, je pense qu'en étant une membre de Lune reconnue, quand même, je veux dire. Bon, limite, oui. Mais, oh, oui. Ben, je pense que oui, parce que justement, ils savent que. Tu sais, on a tous vécu des situations pas faciles. C'est un peu pour ça qu'on est rendu à Lune. Mm-hmm. Fait qu'en sachant que, justement, ils nous voient comme se transformer puis un peu passer au travers certaines épreuves, je pense. Fait que c'est plus facile de venir voir quelqu'un qui a déjà vécu sensiblement la même chose que toi. Et tu peux les inspirer aussi en même temps. Ouais, si je peux faire ça, tant mieux. Mais j'imagine que ça doit aider justement d'avoir des parents aidantes comme toi. Puis dans les autres organismes aussi, là, il y en a. C'est pas que des intervenants qui sont dans les places. Ben ça dépend des organismes. Tu sais, ce qu'il faut entendre, c'est intéressant d'avoir un organisme comme le Projet Nous ce matin avec nous, parce que c'est souvent des initiatives moins bien connues, soit l'ensemble des autres intervenants du réseau, des organismes communautaires, que de la population en général. En même temps, quand on parle de difficultés ou de problématiques reliées à la désaffiliation sociale, c'est important de retenir que ça prend une multitude d'approches pour rejoindre l'ensemble des gens. Oui, hein? Y a pas de formule magique. Puis il n'y a pas d'équation claire où c'est sûr que si il y a des pères aidants dans tous les organismes, puis que ça fonctionne juste à la base dans ce type d'approche-là, qu'on va sauver le monde, ben ça serait déjà fait. T'sais. Ben oui. Et là, on parle des pères aidants parce que c'est l'exemple dont on vient d'entendre parler, mais c'est l'important, c'est d'une diversité d'approches. Donc, par la présence de pères aidants dans une équipe de travail, ben on est dans le lien de confiance, on est dans le modeling. Les filles ont développé aussi de par ce service-là, puis tout ce qui rayonne un peu, comme je viens de le dire, autour du projet-là, mais tout le travail de proximité qu'on peut associer aussi au travail de rue. Donc, des organismes qui ont des travailleurs de rue dans leur, dans les services qu'ils offrent ou des boîtes qui ne font que du travail de rue est une des approches. Bien sûr que quand on parle de situations d'itinérance, ben il y a des situations où on est dans l'urgence, comme c'est le cas de l'hébergement de type drop-in pour femmes que le projet Lune gère depuis quelques années. Mais il y a d'autres types d'hébergement d'urgence aussi. Donc, autant pour hommes que pour femmes, avec une structure différente et tout. Quand on parle d'urgence, on parle de quoi exactement, pour préciser, pour identifier aux auditeurs? Ben, tu sais, c'est sûr que... Ça ressemble à quoi, une urgence? Ben, une personne qui, elle, identifie qu'elle est en situation d'urgence. OK. Parce qu'une personne peut être... sans domicile fixe, être dans la rue, vivre une détresse psychologique, une anxiété très présente, mais ne pas vouloir aller vers un service d'hébergement pour X, Y raison, parce qu'elle n'est pas rendue là dans ce cheminement, parce qu'elle est très méfiante, parce qu'elle est dans un actif de consommation très la honte dans le day-to-day. Ça se peut-tu? Exactement. Peu importe. Il y a pas dans l'arracher, dans la vie, on peut avoir honte, là, pas besoin. Peu importe la raison. Là, tout à fait. C'est pas une mince affaire d'aller cogner à la porte d'un organisme pour demander de l'aide, de s'adresser à une personne qu'on ne connaît pas, puis de verbaliser, de nommer le fait qu'on est sans domicile fixe, qu'on n'a pas d'autre endroit où aller et qu'on a besoin de cette aide-là. Donc oui, effectivement, ça rentre en ligne de compte. Mais quand je parle de situation d'urgence, c'est qu'une personne qui vit ça et qui, à un moment X, Y, n'est plus capable de gérer ou de faire face à cet inconnu-là qui est la rue. Au fait, elle a besoin de repos, elle a besoin d'un accueil X, Y quelque part, puis elle va cogner une porte qui dans un contexte de service de première ligne, pourrait l'accueillir. Que ce soit en niveau de l'hébergement, au niveau d'un service de repas, parce que ça peut être ça aussi. Hein. Une personne qui n'a pas mangé pendant 10 jours, qui a très peu dormi, qui, oui, souvent, il y a de la consommation à travers ça, mais ça m'amène à amener un élément. Tu sais, souvent, on va retenir beaucoup tout ce qui est problème de consommation, de dépendance comme étant la majeure des difficultés des gens, comme si c'était aussi simple que elle a juste arrêté de consommer, ça va mieux aller. Oui. C'est sûr que c'est quand on n'est pas dans un contexte de d'abus de substance, ben il y a plus de chances qu'on se sente mieux, mais les choses ne sont pas aussi évidentes ou ABCD que ça. Mm-hmm. Une personne qui est dans un actif de consommation, c'est qu'elle traîne un bagage qui va au-delà du simple fait de consommer une substance. Puis si on mise trop sur la consommation, ceux qui consomment pas s'identifieront pas non plus. C'est un peu comme tantôt, tu parlais, le monsieur avec la barbe grisonnante qui va dormir sur un banc de parc. T'sais, si on est trop dans le stéréotype, les autres, c'est pour ça tantôt je demandais de me définir l'itinérance, qu'est-ce que c'était exactement, puis c'est pour ça que je suis contente de t'entendre avec... de vous entendre avec toute la panoplie de ce que vous avez décrit, qu'on peut avoir un logement puis être en situation d'itinérance. Qu'est-ce que c'est exactement? Puis, c'est pas ça, est-ce que c'est le plus gros mythe ou c'est réel, la consommation, drogue, alcool? C'est ce que vous voyez? C'est-tu un mythe qu'on exagère vraiment trop? Je pense pas qu'il y a une question de mythe. Je pense que c'est souvent ce qui est le plus perceptible, tu sais. Ouais. Que quand quelqu'un est dans un actif de consommation, puis qu'on connaît très peu les réalités en lien avec la marginalité ou de la désaffiliation sociale, on retient principalement ça. C'est ce qu'on va voir en premier lieu. Mm-hmm. C'est ce qu'on remarque aussi des fois parce que les personnes en consommation vont avoir des comportements dérangeants, tu sais. Oui, c'est ça. Tu les remarques parce qu'ils parlent fort, les remarques parce qu'ils vont vivre plus, exprimer leur colère différemment, tu les remarques parce que ils font, tu sais, ils ont besoin de rentrer puis sortir souvent puis qui sont pas capables de s'asseoir, tu les remarques dans la ville, c'est sûr qu'on tu remarques plus moins celle qui est assise, tu sais, sur le banc, qui il a son petit sac à dos, tu te dis, ah, ça pourrait être une étudiante de cégep, puis elle est là, mais finalement, elle non plus, tu sais, elle n'en a peut-être pas de logement, tu sais. Mais surtout aussi, c'est que la consommation fait partie de la vie de beaucoup de gens. Mais oui. Qui sont davantage dans la norme aussi, puis que à des moments dans leur vie, ben oui, ils vont consommer plus que d'autres, puis là, on parle simplement d'alcool, là. Mm-hmm. Mais à ce moment-là, le jugement ou la façon dont notre regard va se porter sur ce profil-là ou ces situations-là va être beaucoup moins sévère que sur une personne qui est dans une situation de plus grande précarité, qui est dans la rue, qui est sans emploi, où là, tout à coup, notre regard change complètement, où on est davantage dans « il mérite un peu sa situation parce qu'il ou elle consomme ». Tu sais, fait que c'est aussi, et la nuance, ça vient aussi de là, au même titre que quand on parle de problèmes de santé mentale, je veux dire, il n'y a pas les gens qui ont un problème de santé mentale et les autres. Non, non. On a tous une santé mentale qui vit des moments parfois plus difficiles que d'autres. Puis oui, par contre, il y a des personnes qui vont se retrouver aux prises avec des troubles au niveau de la santé mentale pour lesquels on a besoin d'un accompagnement beaucoup plus présent, parfois qu'un traitement de avec la médication et tout. T'sais. Fait que je suis pas en train de dire que c'est banal. Ce que je veux simplement dire, c'est que c'est pas comme si, à partir du moment où une personne vit une difficulté au niveau de la santé mentale, elle va nécessairement se retrouver en situation d'itinérance ou encore que parce qu'on ne vit pas un trouble de santé mentale, on n'est pas à risque de... Les choses sont beaucoup plus en mouvement que ça. Puis, ben oui, ça fait... Tous ces éléments-là font partie des difficultés que les personnes qu'on accompagne, que les organismes accompagnent, peuvent rencontrer à travers leur parcours de vie, qui n'est pas simplement associé à ces difficultés-là non plus, tu sais, où les événements passés vont jouer beaucoup sur la, et encore une fois, toute la structure dans laquelle ça s'inscrit aussi. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir, hein, tu sais. Il y a pas de recette qui fait que t'arrives en situation d'itinérance. C'est pas, il y a des fois des éléments déclencheurs, mais c'est un ensemble, tu sais, de réalités que les gens vivent. C'est extrêmement complexe, tu sais. Puis on travaille avec des personnes qui écoutent, vivent des grands stress, là. Admettons, là. Tu viens de perdre ton logement, là, mais peut-être que dans ces situations-là de stress, effectivement, t'as le goût avec des amis de prendre un verre puis de l'oublier pendant une soirée, là, tu sais. Puis après ça, le regard qui est porté sur toi, mais effectivement, il est complètement différent, tu sais. Je pense que on interprète, puis là, mais effectivement, on met la faute. Puis on essaie aussi, peut-être parce qu'on est inconfortable, des fois, tu sais, face à cette situation-là, de trouver, mais tu sais, il est où le bobo? Pourquoi tu te ramasses dans cette situation-là? Mais des fois, c'est vraiment un concours de circonstances. Une addition d'un paquet d'événements en même temps, tout à fait. Relié au fait que, bon, il peut y avoir déjà une fragilité comme on en a tous une. Fait que c'est ça, c'est un multiple facteur. Les préjugés, c'est justement ça à la base, j'imagine, qui fait que le regard des gens sur les personnes, parce qu'admettons, oui, il y en a qui vivent dans la rue aussi. Ça, on se le cachera pas. Oui, il y en a. On a parlé beaucoup de ceux qui vivent pas nécessairement dans la rue, mais ceux qui vivent dans la rue ont ce regard-là. Il y en a là qui dorment. Oui, c'est vrai qu'il y en a aussi qui dorment sur des bancs de parc. Même s'il y en a pas, ce n'est pas que ça. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour ces personnes-là que vous rencontrez? Pour ceux qui ont vraiment aucun toit, là. Ben, je pense que ça dépend vraiment de chaque c'est personne. Si tu le regardes, le manque d'humanité, un peu, d'humanisme? Ben, selon moi, je pense que c'est un paquet de choses qui fait ça, mais je pense que le regard, c'est quelque chose qui vient enfoncer le clou encore plus. Tu vas regarder dans le sens où... Des fois, on peut être assez cruel juste avec un regard. Regarder quelqu'un qui est différent de nous, peu importe pourquoi, ou encore plus quand t'es dans la rue. C'est juste ça peut faire assez mal pour que tu te dises je veux pas aller chercher d'aide, je veux pas aller voir personne parce que t'as peur de te faire juger partout où tu rentres. Ben, même dans les places où est-ce qu'on peut t'aider, j'imagine. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour les hommes et pour les femmes, chacun dans leur situation, quand on vit dans la rue? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce qui est le plus difficile pour une femme? Je vais laisser parler les filles au sujet des femmes. Pour les hommes, c'est difficile. Tu sais, je voudrais juste m'assurer que moi, ce matin, je peux pas avoir la prétention d'arriver avec des éléments très absolus par rapport à ça. Oui, ce qu'on peut entendre, c'est les hommes aussi peuvent vivre des difficultés par rapport au regard que l'ensemble des gens peuvent porter sur leur situation, sur leurs conditions. Je pense que l'isolement social est un élément qui peut être difficile à porter. Qu'on soit dans la rue, qu'on soit dans une chambre, dans une maison de chambre, qu'on ait plus de contact avec un entourage passé ou encore présent. Je pense que l'accès à un logement décent, c'est une difficulté. Ça augmente l'angoisse au quotidien. Tu sais, la pauvreté, c'est pas juste une question financière aussi. T'sais. Quand on est en situation de pauvreté, on est déjà un peu plus en situation d'isolement parce qu'on a moins accès aux loisirs, moins accès à l'information. moins accès à s'habiller convenablement ou à notre goût. Notre statut social, on est conscient qu'il change. Ça atteint notre estime personnelle. Aller dans un bureau de centre local d'emploi puis faire une demande d'aide sociale, pour la première fois, c'est pas une mince affaire non plus. Et le montant d'aide sociale qui est aujourd'hui, je pense, le montant de base, un peu plus de 630 $ par mois. C'est 622. 622 $ plus le crédit de solidarité. Ben, après avoir payé c'est un pas, logement, c'est quand c'est le cas, il reste pas beaucoup de sous pour se déplacer, s'alimenter, se vêtir, mais aussi pour le loisir. Souvent, on va oublier cet élément-là, tu sais. Quand je travaillais en hébergement d'urgence, puis pour un peu compléter sur les difficultés que rencontrent les hommes ou les impressions, ce qui est verbalisé, je me souviens que, mettons, après un séjour en hébergement, avant une relocalisation, ou en tout cas, une relocalisation souhaitée vers un logement ou une chambre, tu sais, juste le fait de manger un déjeuner, deux œufs bacon ou deux œufs fromage ou avec des petites patates, tu sais, ben, ces plaisirs-là qui prennent beaucoup de place dans la vie de tout le monde, mais c'est sûr que quand on est en situation de précarité, de détresse psychologique, d'instabilité ou de pauvreté, ben, c'est des éléments qui font moins partie de notre vie, puis c'est sûr que ça a un impact sur notre morale. Puis à un moment donné, plus on s'éloigne de cette norme-là, du statut social ou des éléments qui remplissent nos journées de façon plus agréable, mais plus c'est difficile de revirer de bord. T'sais. Il y a une femme en situation de pauvreté qui avait dit dans un groupe de consultation que fait s'entraide en lien avec des documents de lutte aux préjugés, avait dit qu'être en situation de pauvreté, c'est comme être au bas d'un escalier roulant qui descend. Mm-hmm. Et se faire dire par les gens qui sont au plateau supérieur, en bas d'un escalier roulant qui monte, simplement prendre l'escalier. On le sait tous qu'on peut prendre un escalier roulant à l'envers, mais on sait qu'on doit fournir un effort supplémentaire. Fait qu'il y a quand même cet élément-là, être en situation de pauvreté, en situation d'itinérance ou de précarité. Bien sûr qu'il y en a des marches à prendre pour améliorer notre situation, mais elles ne sont pas faciles à enjamber. Et il y a aussi tout en dehors de notre volonté ou de notre énergie ou toute une structure qui ne facilite pas toujours ce cheminement-là. Oui, tout à fait. Mon Dieu, c'est vraiment une belle image. C'est ça, elle n'est pas de moi, là. Ah, mais elle est vraiment dans un document de l'auto-préjugé qui a été fait par Centraide, qui est disponible sur Internet. Mais effectivement, c'est souvent des images qui viennent des mots des gens qui ont vécu, qui nous aident à comprendre. Bien, c'est imagé, mais je trouve que c'est encore mieux des fois de mettre une image que tout le monde comprend. Puis c'est tellement vrai, là, ce que tu dis, d'essayer de monter l'escalier roulant qui va à sens inverse, là. Je pense que ça serait intéressant aussi d'entendre les filles par rapport au niveau des femmes, au niveau de la violence. C'est vécue, justement là que je m'en allais. Avant ou pendant, ou les reliés à ça, parce qu'on sait que ça peut faire souvent partie un peu des parcours de vie des personnes. Ben oui, tout à fait. Hein, que ce soit par un conjoint, une conjointe, que ce soit par un coloc, et un propriétaire, on le sait. Hein, y a beaucoup de personnes qui vivent de l'abus sexuel ou du harcèlement. T'sais. C'est vraiment directement les propriétaires. Les propriétaires ont accès aux clés de ton appartement. C'est un contrôle incroyable que les propriétaires peuvent avoir là, sur les personnes qui sont locataires, là, les femmes particulièrement. C'est vraiment... C'est clair que dans leur parcours de vie, ils vivent la violence. La rue, pour les femmes, c'est une expérience différente que pour les hommes. Il n'y a pas juste une façon de le vivre. Là. Non, non, ça c'est sûr et certain. Mais on le sait, quand on a ouvert l'hébergement, le temps que les gens viennent, qu'ils nous fassent confiance, qu'on fasse partie des premiers plans qu'ils mettent en place, là, ça prend du temps de développer cette confiance-là. Puis je pense que c'est peut-être avec les femmes différentes dans ce sens-là, parce que comme tu vis beaucoup de violence, puis comme tu sais pas ça va être quoi les milieux, mais t'as des stresseurs de plus peut-être, puis t'as ce souci-là de sécurité qui est extrêmement important, je dirais, pour les femmes. Là. C'est certainement ce qu'ils nomment le plus souvent, là, ce sentiment-là d'être en sécurité au projet, à quel point c'est important, c'est un petit... Ça prend combien de temps avant qu'ils se sentent en sécurité? Sais-tu? Parce que quand on sort, admettons, là, vous m'amenez justement sur le terrain de la violence, avant de faire confiance à quelqu'un, de faire confiance aux intervenants, aux pères aidants, ça peut-tu prendre du temps des fois avant qu'ils vous fassent confiance? Même s'ils ont été chercher de l'aide, qu'ils veulent juste de pas avoir le réflexe de « je vais manger une claque en arrière de la tête ». Ben, ça peut arriver que ça l'arrive jamais. Moi, je vois Joanie qui fait oui de la tête. Juste pour prendre un exemple, Maud disait tantôt que la première année qu'on a ouvert, on a ouvert pas une année complète, mais quelques mois. Puis en fait, quand on voyait je vais parler un peu de statistiques. Quand on voyait le nombre de femmes qui venaient, on s'est rendu compte qu'à la fin, plus vers la fin de l'hébergement, quand on allait fermer, c'est là que les femmes ont plus commencé à venir. Au début, on n'avait pas vraiment de monde. Oui, on n'était pas tant connus, mais je pense qu'il y a des femmes qui savaient déjà qu'on existait. Mm-hmm. Mais justement, à cause de cette peur-là de comment je vais être reçue, comment c'est là-bas, juste l'inconnu, c'est déjà une peur immense. Donc, si tu as en plus la violence, tu as vécu toutes sortes de choses dans ta vie, est-ce que tu vas vraiment te lancer dans une nouvelle chose que tu connais pas, même s'il y a des intervenants? Tu le sais, à quelque part, au fond, qu'ils te feront pas de mal, ils sont pas là pour ça. Ben oui. Mais est-ce que vraiment, on va vraiment faire confiance? Non. Il y en a qui viennent les premières fois, ils font pas totalement confiance non plus. Ils vont juste dormir, puis c'est à peu près tout. Oui, oui, ils vont demander le minimum. On va prendre une pause, on va décanter tout ça, puis c'est vraiment intéressant ce que vous dites pour... Pas au niveau intéressant, j'essaie pas de faire du sensationnalisme à matin, j'essaie vraiment de comprendre puis d'aider, de faire enlever les tabous, les préjugés, puis vous le faites très bien. Donc on va prendre une pause puis on revient tout de suite. On est de retour à l'émission Les Différents, Mélanie Fleurant avec vous jusqu'à 10h. Et puis ce matin, on parle de l'itinérance, les tabous, les préjugés. Qu'est-ce que c'est que l'itinérance aussi? On en a parlé en début d'émission. Mais juste avant la pause, on a parlé de faire confiance. On a parlé, oui, de la réalité de vivre dans la rue. Oui, il y en a qui vivent pas nécessairement dans la rue, mais se retrouvent en précarité. Puis, des fois, on rien à manger ou on peut même pas s'habiller pour même juste se trouver un emploi. Puis, parlant d'un emploi... On parlait tantôt d'Emploi Québec. Il y a des aides, il y a des systèmes d'aide qui existent, mais qu'est-ce que ça fait exactement, concrètement? Est-ce que vous voyez, est-ce qu'il y a de la difficulté à se trouver un emploi? Je vois Joannie dire oui de la tête. Il existe des programmes d'employabilité, de réinsertion sociale. Donc, tu sais, ces principes-là... Ça fonctionne-tu? En fait, comment je pourrais dire, la grande difficulté qu'on vit en ce moment, et ça depuis plusieurs années, c'est dans tout le système d'accès au programme. Les critères pour avoir accès à un programme d'employabilité se sont resserrés. Bref, donc plus une personne s'éloigne du marché du travail, donc plus une personne passe 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans sans être en emploi pour un paquet de raisons, moins on va lui octroyer l'accès à un programme. Puisqu'on considère que cette personne-là a moins de chances de se réinsérer sur le marché de l'emploi. Ben voyons. La raison qui explique ça, c'est qu'il y a beaucoup de coupures en ce sens-là. Quand on parle de programme d'employabilité, on parle donc d'investissement. Et cet investissement-là est moins présent en ce moment, et c'est depuis plusieurs années. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes-là? Ben, dépendamment de comment ces personnes-là vont essayer d'aller chercher de l'aide ou pas, tu sais, en fait, la réinsertion sociale l'implication sociale ne passe pas que par le marché du travail. Malheureusement, c'est dans cette valeur-là que socialement on va mettre les choses de l'avant. Il y a beaucoup d'implications bénévoles qui se fait au sein de plusieurs des organismes, soit membres du RAIC ou ailleurs des organismes communautaires. Il y en a dans plusieurs domaines de notre société. Il y a beaucoup d'implications bénévoles qui se fait, d'implications sociales, de lutte sociale. Donc, les gens qui sont sans emploi pour une grande partie vont s'impliquer autrement. Par contre, si on parle de programme d'employabilité où il y a un soutien financier, où il y a un revenu supplémentaire à la prestation d'aide sociale, c'est quelque chose qui existe, mais qui est de moins en moins accessible pour le moment. Mm-hmm. Puis, il y a différents programmes, on vient de parler de ça. Est-ce qu'il y a des aides aussi pour... parce que se trouver un emploi, ça veut dire s'habiller. Ça veut dire, ça se peut qu'on n'ait pas nécessairement des vêtements qui vont fitter. Admettons qu'on trouve un emploi de travail de bureau à la réception, ben on n'a peut-être pas le pantalon noir que l'entreprise demande. Ou on en a peut-être juste un aussi. Aussi. J'ai juste une chemise aussi. Puis qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a de l'aide au niveau de Parce que quand on va passer une entrevue, c'est bien le fun, mais on a un peu la démotivation. Ouais, mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Dans les organismes communautaires, il y a certains organismes qui travaillent davantage dans ce point de vue, au niveau de la réinsertion sociale, dans le soutien, l'accompagnement pour les différentes démarches, les différentes étapes mm-hmm. d'un retour en emploi, et aussi pour les technicalités aussi basiques que de trouver vêtements pour, tu sais, il y a plusieurs comptoirs à vestimentaires dans certains organismes. Là, par contre, j'aimerais amener une bémol, c'est que oui, ces services-là existent dans les organismes communautaires, mais actuellement, la grande majorité des organismes communautaires vivent une précarité eux-mêmes par rapport aux ressources qui sont disponibles. Donc, est-ce que toutes les personnes qui ont besoin de cet accompagnement-là ou qui cognent à la porte des organismes reçoivent l'aide dont ils auraient besoin pour un accompagnement dans cet ordre-là ou tout autre? La réponse, c'est non, parce que les ressources ne sont actuellement pas suffisantes. Donc, c'est pas magique. C'est pas parce qu'il y a des organismes communautaires qui sont en place dans la région de Québec ou ailleurs que toutes les personnes qui ont besoin de services vont la recevoir. Mm-hmm. Mais oui, ce sont des services qui sont pensés, qui existent et qui ont été développés dans les organismes, mais malheureusement pas suffisamment en grand nombre pour l'instant. Puis on le sait, tu sais, quand ça fait plusieurs mois, semaines, années, tu sais, que t'as pas nécessairement été en emploi ou t'as pas eu... Ça prend aussi beaucoup de flexibilité de la part des organismes pour être capable de vivre des réussites avec ces personnes-là, tu sais. Oui, ça demande de la créativité aussi, de la part de ces gens-là. Là. Un travail qui va être valorisant aussi, puis qui va plaire mm-hmm. à la personne. Tu sais, c'est pas tout travailler, mais tu sais... Ça fait une question de confiance en soi, là, oui. Oui, puis c'est de se retrouver aussi avec des employeurs qui sont ouverts aussi à l'emploi, puis ces nouveaux employés-là. Mm-hmm. On va prendre une pause, on va revenir après. Je sais pas, vous en avez entendu un peu parler de l'émission Face à la rue qui s'en vient sur Moi et compagnie. Mm-hmm. On va avoir après la pause Jean-Marie Lapointe qui va venir, pas en studio, mais par téléphone, qui va nous parler de sa nouvelle émission qui parle justement de l'itinérance qui a été sur le terrain, rencontrer les gens. À tout de suite. Bientôt sur la chaîne Moi et compagnie, comme je disais juste avant, on va pouvoir voir plutôt le nouveau docu-réalité de 13 épisodes Face à la rue, animé par Jean-Marie Lapointe, et je l'ai justement en ligne. Bonjour Jean-Marie. Oui, allô, bonjour. On vous entend très bien, le son est très bon, il n'y a aucun problème. Dans le fond d'un gym quelque part perdu à Montréal, puis j'essaie de trouver un petit coin tranquille pour être dans ma bulle avec vous. Mais on entend très bien, il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que c'est que Face à la rue? J'en ai parlé un petit peu que oui, ça traite d'itinérance, mais qu'est-ce que c'est exactement que ce projet-là? Bien, Face à la rue, c'est une série de 13 émissions d'une demi-heure qui s'intéresse à la réalité des gens en situation d'itinérance, qui s'intéresse à la réalité de l'itinérance auprès de personnes qui l'ont vécu, qui s'en sont sorties ou qui essayent de s'en sortir de peine et de misère. Et on s'approche de ces personnes-là avec le plus de doigté, de délicatesse possible, de respect aussi. On cherche pas à les sauver, on leur tend la main, oui, mais on tend surtout le micro puis la caméra parce que c'est des personnes à qui on le fait pas souvent. Souvent, on est mal à l'aise, on sait pas comment leur adresser la parole, on sait pas si on doit donner de l'argent, on sait pas même des fois les regarder dans les yeux, on n'ose pas, ça nous fait peur, on est vraiment inconfortable, c'est tout le monde, je veux dire, à moins qu'on soit nous-mêmes dans la rue puis qu'on connaisse cette réalité-là, c'est très difficile hein, d'entrer en contact avec des gens qui, pour une grande majorité d'entre eux, les statistiques disent, on parle de presque 40-45% des gens dans la rue qui aurait une problématique de santé mentale, en plus de tout le reste, en plus de leur dépendance, en plus de dépendance à l'alcool, la drogue, bon, tout ça fait que c'est parfois difficile de percer leur bulle, hein. Puis nous, ben c'est le contraire, on la pète cette bulle-là, puis on rentre dans leur bulle même, je me permets l'image, et on le fait sans jugement, on le fait avec le plus de douceur et de compassion possible, et ce que ça donne, c'est que ça donne des rencontres, ça donne des gens s'ouvrent à nous. Et je dis souvent la blague, puis peut-être je suis pas loin de la réalité, c'est des gens qui nous disent avoir tout perdu. Et souvent, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Ben, ils n'ont plus rien à perdre, alors ils se dévoilent à nous. Et comme c'est des gens qui, malheureusement, passent tellement inaperçus dans la société, aussitôt peut-être qu'on s'intéresse à eux, ben, ils s'ouvrent à nous. Parce qu'enfin, il y a des gens qui s'intéressent à leur réalité, il y a des gens qui veulent savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils vivent, et aussi, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Parce qu'ils portent un bagage, ils portent une histoire, mais malheureusement, on va les étiqueter presque comme des sous-humains. Mais c'est des humains à part entière. Et c'est ça qu'on essaie de voir. L'idée que tu as eue avec Lynn Deneau, qui est aussi productrice, pourquoi vous avez eu cette idée? Pourquoi vous avez pensé à ce sujet-là? C'est la motivation derrière ça, c'est laquelle? Bien, premièrement, Lynn Deneau, c'est une très grande dame de la télé. On la connaît dans son ancienne vie à Canal Vie, qui était la direction, elle était à la direction de la programmation. Puis, c'est avec Lynn que j'ai fait des beaux projets comme Trisomie 21, Le défi Pirou, Le monde de Félix, l'histoire de Johanna Comtois. J'ai fait beaucoup de documentaires avec Lynn, puis on s'était revus sur une base purement amicale. On n'avait pas du tout d'agenda professionnel dans le but de faire un brainstorm et de cela découlerait un projet. Alors, on est en train de luncher chez elle et un lunch, quand ça a fait 2 heures, hein, t'as tout dit, t'as tout mangé. Ben non, je suis resté pratiquement toute la journée chez Lynn et à travers la rencontre entre elle et moi, est venue l'idée de l'itinérance parce que on parlait que si on avait à faire un prochain projet, ensemble ou pas, tu sais, qu'est-ce qui nous interpelle? C'était l'itinérance. Puis c'est venu tout de suite nous allumer tous les deux. Puis moi, quelques mois auparavant, j'avais rencontré une jeune femme qui, elle, avait perdu contact avec son père, qui avait été aussi en itinérance. Puis malheureusement, quand elle avait essayé de retracer son père, de l'essayer de le retrouver, il était trop tard, il était mort. Alors, elle m'a partagé cette histoire-là, puis ça l'a bouleversée. Puis là, je me suis dit, mais shit, il y en a combien de ces histoires-là encore, tu sais, que la personne soit dans la rue, qu'elle laisse plus de traces, mais qu'il y a des enfants, qu'il y a des parents, qu'il y a des proches qui s'inquiètent de cette personne-là. On s'est imaginé une émission où on s'intéresserait à ces gens-là, qui peut-être qui donneraient place peut-être à des retrouvailles, qui donneraient peut-être une possibilité d'une retrouvaille, d'une rencontre, mais au-delà de ça, venait vraiment, non, attends une minute, on va aller plus loin. C'est plus qu'une retrouvaille entre une personne qui est dans la rue et ses proches. C'est carrément l'itinérance. C'est un sujet qui est malheureusement pas souvent exploité. Puis quand ça l'est, ben c'est exploité avec, mon Dieu, avec des nouvelles sensationnalistes, avec de la tristesse, avec plus des couleurs sombres. Tu sais, c'est on fait l'évocation des gens en situation d'itinérance. Puis on parle, il y a de la violence, il y a du mépris, il y a sorte de choses qui se passent dans l'actualité avec l'itinérance, puis va te dire c'est plutôt triste. Alors nous, on amène une autre couleur, un autre portrait, une autre saveur qui est la réalité, la vérité. Puis ces gens-là, ben ils la possèdent. Et ouais, c'est ça qu'on partage. C'est ça, c'est leur vérité. Et comment le Jean-Marie d'avant le projet versus celui d'aujourd'hui, comment on se sent après avoir vu cette réalité-là justement? Qu'est-ce qui change en nous? Je suis, tu sais, quand on dit « Est-ce que tu animes la série? » Je l'anime pas, je l'habite. Je suis un habiteur, tu sais, je l'habite, cette série-là. Je suis pas un animateur. Puis cette série-là, et je parle au nom, je parle au « je », mais je pourrais parler au « nous » de toute mon équipe, l'équipe de production, l'équipe technique, ma réalisatrice Maud Sabag, Lynn, la productrice, la boîte de production Trinôme, et évidemment la chaîne Moi et compagnie, puis le groupe TVA. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui sont en train de changer leur perception, leur façon de voir les gens en situation d'itinérance. Et ça, c'est probablement le plus beau cadeau et le plus bel objectif de notre série. C'est que nous, en tant que société, que collectivité, on s'intéresse à eux, ne serait-ce que juste d'y regarder. On ne demande pas aux gens de donner un café, de donner de l'argent, de les héberger. Non, on essaie, par la façon qu'on fait la série, que notre regard change, mais qu'il y ait tout d'abord un regard. Qu'il y ait un regard et que ce regard-là soit un regard beaucoup plus de compassion que de mépris. Mm-hmm. Et c'est ça qui m'est arrivé, puis c'est ça qui est en train de changer en moi comme en nous, en toute l'équipe. C'est que effectivement, on regarde ces gens-là, puis on se dit waouh, quel être humain, quelle force, quelle résilience, quelle histoire. T'sais? Alors on s'intéresse à eux, puis on se dit waouh, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est ça. Ce qui a changé, c'est que mes préjugés ont fondu comme neige au soleil, mes malaises sont disparus. Mais je suis pas un saint, je veux dire, je suis pas mieux que toi, je suis pas mieux que personne d'autre. J'ai eu à me libérer de mes préjugés puis de faire en sorte qu'ils ne me drivent pas, que ce soit pas ça qui conduise mes gestes, mais plutôt que les préjugés, comme n'importe quel peur, comme n'importe quel malaise. Moi, il y a 15-20 ans, là, avec des gens qui étaient en fauteuil roulant ou qui avaient une paralysie cérébrale ou qui avaient des troubles alimentaires, des enfants qui avaient le cancer, qui avaient des tubes dans le nez, qui perdaient leurs cheveux, j'étais pas mieux qu'un autre, j'étais moi-même mal à l'aise. Mm-hmm. Alors, ça veut juste dire que tout peut changer si on a une petite curiosité, une bonne volonté, puis qu'on se dit, ben attends une minute, là, j'ai peut-être pas raison de penser ça. En terminant, j'ai vu les deux premiers épisodes, puis je dirais que la première émission où est-ce qu'on parle des femmes et de l'itinérance, ça, écoute, je peux le dire, j'ai pas pleuré, j'ai braillé ma vie. Ça m'a touchée vraiment. C'est Véronique, que t'es allée voir posant la question, est-ce qu'il y a d'autres est-ce qu'il y a des femmes itinérantes et qui dit moi j'en suis une. Écoute, elle m'a beaucoup touchée. Puis je sais que la série est pas finie de tourner. Est-ce que tu as encore des nouvelles d'elle? Puis comment est-ce qu'elle va? Puis tu sais, je pose la question. C'est pas mon amie, mais on les trouve tellement inspirants, ces personnes-là que tu rencontres. Les quatre portraits que j'ai vus, on voit le cheminement, si je me trompe pas. Oui, on le voit et c'est ça l'espoir. C'est que même Véronique qui vivait dans un trou à rats, qui était dans la marde, comme elle dit, même Véronique a de l'espoir. Il y a de l'espoir chez elle. Elle héberge d'autres femmes qui sont aussi poquées, sinon plus qu'elle. Il y a de la compassion, il y a de la douceur. Il y a de l'espoir parce qu'elle cherche à améliorer son sort. Mais elle est aussi sous l'emprise d'une dépendance aux substances. Elle est aussi dans la rue. Elle souffre aussi d'une problématique très complexe. C'est pas facile, sa vie. Mais il y a quand même un désir de s'en sortir. Elle a de la difficulté à se projeter dans le futur, mais il y a un désir. Alors, pour répondre à ta question, oui. D'ailleurs, il y a deux choses. La moitié des gens qu'on a rencontrés sont dus à des rencontres au hasard de la rue, là. Et Véronique en est un exemple. Dans la deuxième émission, Jonathan qui cherche son père, ça aussi, c'est une rencontre due au hasard. Être là au bon moment, oui, mais je pense qu'il y a un intérêt, c'est qu'on avait une curiosité, on était alerte, on était à l'affût de rencontrer des gens versus notre regard rivé sur notre téléphone, dans notre bulle, tu sais, déconnecté des autres. Non, on était connecté à ce qu'il y avait autour de nous. On est aussi, quelque part, chanceux, mais on a provoqué ces rencontres-là, quelque part, juste de par notre attitude, notre ouverture. Ce que j'ai envie de te dire aussi, c'est que Véronique, on a des contacts. On avait perdu sa trace parce que l'appartement dans lequel elle vivait a été condamné. Le bloc a été complètement barricadé. Et on a réussi à avoir contact avec elle par l'entremise de son fils, Xavier, qu'on ne voit pas dans l'émission, mais on se croise les doigts de pouvoir peut-être arriver à tourner une rencontre entre elle, Véronique, et son fils. Oui. Alors ça, c'est peut-être ce qui s'en vient. Tu sais, on est aux aguets, on est un peu sur le qui-vive. On espère les retrouver aussi ensemble. Mais tout ça pour dire qu'en plus de ces belles rencontres-là, ben, on est chanceux de pouvoir avoir un réseau qui nous permet de diffuser 13 émissions sur la chaîne Moi et compagnie. Puis le groupe TVA donne la permission aux gens. En fait, c'est un petit cadeau qu'on offre pour tous ceux et celles qui sont pas abonnés puis qui aimeraient regarder l'émission. Ben, la toute première émission va être sur TVA.ca à partir du 25 avril. Donc, les gens qui sont pas abonnés vont pouvoir avoir un avant-goût de la série en regardant le tout premier épisode qui est hyper bouleversant, mais aussi à la fois hyper rempli d'amour et d'espoir, parce qu'on a aussi Lisette, on a la rue des femmes, on a de l'espoir, on voit que c'est possible, c'est des micro-petits pas de progrès qu'on voit faire ces gens-là, puis on les accompagne, puis on en est témoin. Donc oui, on est en contact et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de relations nouvelles maintenant dans nos vies. Puis quand je dis nos vies, c'est toute l'équipe. Les recherchistes, la réalisatrice, la productrice, on est en contact avec des gens de la rue. Et c'est ce qui fait qu'on les protège aussi. Puis je terminerai là-dessus, c'est qu'on a un souci que ces gens-là, malgré la grande générosité puis la grande vulnérabilité qu'ils nous partagent à l'écran, on a un souci de les protéger. Donc, il y a des choses que volontairement, on ne met pas à l'écran parce que ça pourrait leur nuire. Jean-Marie Lapointe, on va inviter les gens à écouter justement, à regarder sur la chaîne Moi et compagnie à partir du 2 mai prochain l'émission Face à la rue, le docu-réalité en fait. Merci beaucoup d'avoir pris 10 minutes pour nous jaser ce matin. Ben, ça me fait plaisir, c'est un beau cadeau que tu m'offres, puis au plaisir de relire tes commentaires ou d'en entendre parler par toi et ta gang. Merci beaucoup. À bientôt. Bonjour. Bon week-end. Merci. On vient d'entendre une autre réalité, mesdames, en terminant, parce qu'il nous reste 30 secondes environ. J'aimerais ça inviter les gens pour avoir plus d'informations pour le projet Lune. Comment on peut vous contacter pour le projet Lune? Il y a la page Facebook. On est sur Facebook, projet Lune, tout simplement. On a aussi un site internet qui est projet-lune.org. Je vais mettre le lien sur la page des différents. Le RAIC? Oui, le RAIC, qui est le Regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de Québec. Il y a aussi un site internet www.raiq.org. On a aussi une page Facebook que les gens peuvent aller liker pour nous suivre, entre autres par rapport à l'organisation de la Nuit des sans-abri qui va se dérouler le troisième vendredi du mois d'octobre, donc le vendredi 20 octobre, mais aussi pour suivre au niveau des publications sur l'actualité, au niveau des programmes ou des politiques en lien avec les besoins des personnes. Magali Parent du RAIC, Maude Santerre et Joanie du Projet Lune, merci d'avoir pris le temps de venir en studio pour nous parler d'une fraction de la réalité de ce que c'est que l'itinérance. Puis je vais vous réinviter, c'est sûr et certain, une heure, c'est vraiment pas assez. Ça merci. Vous va? Merci. Merci l'invitation. Merci. Bonne journée. Bye. C'est tout pour les différentes cette semaine. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.